Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Et en ces temps, c'est qu'à ici. En ces temps, c'est lancé le moment. En ces temps, c'est qu'à ça ici. En ces temps, c'est lancé le moment. Ça qui m'aime. Les enlevés, si on porte au vert. Au dos bout, anti-chiméon. Quand veillez la pote là, où ça besoin décollé. Et puis on me pille l'absence, en belle goutte ma pite. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Les onzés, ou même côté là. Timon maï, qui sortit l'école. Yon parfait, ou tu es au fond, toi. Mais ça passe un vieux moyen. Yéba! M'amenez à bord de l'homme, ou dis-moi qu'il fait chaud. M'amenez à la campagne, ou dis-moi qu'il fait frais. Les mamans de qui ça, c'est les moins fait bon. Ou répondre-moi comme ça, menez-moi qu'à l'île, s'il vous plaît. En cet un yéle, c'est qu'à ça ici. En cet un, c'est lancé les morts. Pas, ni jour bon Dieu fait, je m'en ai des tétouillons. Pas trouvé où déchiré, l'estomac en chimpanton, des pions bagassés par terre. Aïe! Les moins fins bords, où est-ce qu'on moins qu'on s'appelle? Mais les moins qu'à l'ici, s'il vous plaît. Ensuite, yé lé lé lé Et ensuite, c'est lancer les mains. Pas, ni joue bon y fait. J'en m'en donne les tignons. Pas trouvé on déchiré. L'estomac en chipoton. Des pions pas qu'à chipoton. Oh oh. Et ensuite, yé lé. Tout le monde. Et nous allons tous chanter ensemble, ok? Je vais partager la salle en deux. On va prendre le milieu ici. Ok, vous bougez pas, vous là. À gauche, c'est parti. Tout le monde. Et n'est pas la ley. Ici on fait la tierce. Shut up. Shut up. De condamner. Elle est. Écoutez ça de chanter. Shut up. Aïe. Et l'improvisation c'est ça, c'est simple. Vanda vanda dit lei net vanda dit juste bien bla bla no net bye Chave no la lit no la no la lit Chava na mia no net lit net net na mon vanda no net net net net net net net Chava na no net net net net net Vanda vanda dit dit dit dit lei to va ta de ni bien le net au cette c'est gaza c'est tout bon non au cette C'est lancer les morts. En ce temps, montez. C'est Gassin ici. En ce temps, c'est lancer les morts. Alright. Yeah, de, de, de, de, de. Merci beaucoup.